t'es quelqu'un. Là y'a tous ceux que t'aimes. On va casser nos voix, c'est certain. Allez, c'est ta journée, c'est ton jour. Dans l'année, ça se passe qu'une fois, c'est ton tour. Allez, longue vie, le succès, la santé, la monnaie. C'est tout ce qu'on te souhaite pour ton birthday. La santé, l'amour et le bonheur. Nous, on va fêter ça jusqu'à pas d'heure. Nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est allez, longue vie. La surprise est réussie. On prépare ça depuis des mois. Y'a tes amis et tout ta mif. Ah allez, faut fêter ça, faut danser. Ça fait plus un, allez. Faut fêter ça, faut danser. Allez, longue vie, le succès. La santé, la monnaie. C'est tout ce qu'on te souhaite pour ton birthday. La santé, l'amour et le bonheur. Nous on va fêter ça jusqu'à pas d'heure. Nous tout ce qu'on